Chapitre 3. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Traconite. Lysanias régnait sur l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière du Jourdain. Il lançait cet appel: changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre: c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront aplanies, les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout être humain verra comment Dieu nous sauve. Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait: bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean: maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites pas payer plus que ce qui est légal. Des soldats lui demandèrent également: et nous, que devons-nous faire? Il leur dit: ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches au gouverneur Hérode parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode en commit une de plus, il fit mettre Jean en prison. Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel: tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, qui était fils d'Élie. En remontant les générations, ses ancêtres étaient Mattath, Lévi, Melki, Janaï, Joseph, Mattathias, Amos, Nahum, Ezli, Nagaï, Maat, Mattathias, Semein, Josek, Joda, Johanan, Reza, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melki, Addi, Kozam, Elmadam, Er, Jésus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, Siméon, Judas, Joseph, Jonam, Eliakim, Meléa, Mena, Matata, Nathan, David, Isaïe, Jobed, Boaz, Salah, Naasson, Aminadab, Admin, Arni, Ezrom, Pharès, Judas, Jacob, Isaac, Abraham, Tara, Nacor, Seruc, Rago, Phalek, Héber, Salah, Cainam, Arphaxad, Sem, Noé, Lamech, Mathusala, Enoch, Jared, Maléléel, Cainan, Enos, Seth et Adam, fils de Dieu.